agonie, livre 2, chapitre 15. Vois-tu, Ruska, Severa est rentrée à l'aube, venue de je ne sais où. Même que j'ai entendu la voix d'un homme qui a dû l'accompagner jusqu'à la villa. Et cet homme, j'en jurerai, était ce Zal qui soutient Elagabalus. Severa a beau paraître vertueuse, et moi-même je puis lui être indulgent, il n'en paraîtra pas moins un adultère avec ce Zal. Et que diront les Romains de Severa? De Severa, l'épouse de Glycia, qui compte parmi les siens un dictateur célèbre dans nos fastes. Longtemps j'ai gardé pour elle la débonnaireté de l'époux confiant, mais maintenant, malheur à celle qui me déshonore avec des gens de basse naissance. » Glycia tout sauta, la face en sang, les poings crispés, et cracha, les jambes écartées en un effort terrible, soutenu par Ruska, qui lui faisait « Maître Severa connaît ses devoirs, et si elle va aux assemblées de chrétiens, ce n'est pas pour mal faire, j'en jurerai à mon tour. » Il s'évertuait à justifier Severa, ne pouvant accroire facilement qu'elle trompât Glycia. Et il émettait de bonnes raisons en un attendrissement de paroles qui remua un instant le vieux patricien. « Tu as peut-être raison. » Mais mon sang bout à songer à l'outrage, et je veux lui expliquer le mépris que j'ai d'elle. Car rentrer à l'aube, quand son époux flaire la mort, c'est mal, très mal. Elle songe à toi, Severa. Elle n'a jeté ses regards sur aucun autre, ne la peine pas. C'est une âme fière, et quoique la loi te donne droit sur elle, elle te quitterait, et vous seriez tous deux malheureux. Oh, moi, je ne l'aime pas. Articula Glycia, et son départ ne me toucherait pas. Je ne dis pas que cela ne soit ainsi pour elle. » Il toussota encore, répétant, en ses habituelles confusions, qu'il n'aimait pas Severa, que peut-être celle-ci l'aimait. Mais il revenait, suivi de Ruska, redoutant une scène très vive entre Severa et lui. Dans les cubicula, des esclaves allaient et venaient, et poussetant les meubles, lavant le sol, faisant reluire les ustensiles de la cuisine, mettant de l'air et de la lumière partout. Quoique rentrée de bonne heure, Severa s'était à peine reposée. Et, maintenant, de concert avec l'Ancilla, elle vaquait au bon ordre général, avec sa célérité qui ne se démentait pas. « Oui, oui, je l'ai dit, cet homme, j'en jurerai, était ce Zal !» criait Glycia. « Maître, laisse-la, » disait Ruska. « La vois-tu, calme et confiante ?»« Moi aussi j'ai été confiant, Ruska, mais je ne veux plus l'être. » Il lui échappa, retenant un toussotement d'une main, et courut vers Severa, en ce moment dans le tablinum. Il la saisit par le coude d'un serrement obstiné. « N'est-ce pas que c'était ce Zal ?» Elle se retourna vivement, rouge et digne, ne sachant que dire et ne voulant répondre. Alors Glycia s'anima. « Je l'ai dit, cet homme, j'en jurerai, était ce Zal qui soutient Elagabalus, et tu es ainsi un aide de cet empire, et Zal est avec toi. » « Est-ce que je sais ce qu'il fait avec toi, celui-là ? Réponds, femme, réponds !» Il annonnait et bredouillait, son poing maigre sur la face de Severa, qui répondit « Pourquoi ces violences ? Tu sais bien qu'unie à toi, ma vie t'est consacrée ?» Mais Glycia devint terrible. « Je puis te faire enterrer vive, je puis te jeter au bûcher et aux bêtes, je puis te tuer et te faire tuer !» Je puis prendre un glaive et t'égorger. Je suis le maître de ton corps, et si je n'en fais rien, c'est que j'ai pitié de toi. Oui, j'ai pitié de toi, quoique adultère avec ce Zal. Ruska, qui assure le contraire, est vieux et ne voit pas clair comme je vois clair. Tiens, tiens, voilà pour ton Zal, voilà pour ton Zal, pour ton Christos, pour ton Elagabalus, pour tous ceux qui viennent manger le pain de Glycia et boire le vin de Glycia. » Il la frappait à la face du plat de la main, et, comme elle reculait, il recommençait en une poursuite de coups de poing dans les seins. Elle s'en allait à reculons sans répondre, résignée, s'attendant depuis longtemps à être frappée dans une crise de Glycia, dont l'exaspération n'eut plus de bornes, quand Ruska, qui accourait, l'arrêta, lui cassant presque les bras. « Je vous vendrai tous deux comme esclaves, avec de la craie blanche aux pieds. Et l'on dira de vous, voilà le mauvais esclave de Glycia, voilà la femme adultère de Glycia. » Il écumait et ne toussotait plus. Mais Ruska, pâle et muet, l'entraînait de force, pendant que Sévéra, brisée sur une cathèdre, la face pleine de larmes, disait tout bas « Si c'est là le commencement de ta passion, Christos, que ton nom soit béni. Cependant, tu sais bien que je n'aime point Zal avec la chair, mais avec l'esprit. »